De la guitare dans un bar de Sunset Boulevard. Je gagnais en jouant des heures un coca et un hamburger. Bye bye Bing Bongs, bye bye. Bye bye Bing Bongs, bye bye. Do-de-da, do-de-da, do-de-da, do-de-da, do-de-da, do-de-da, do-de-da, do-de-da, do-de-da. Une vieille Dodge au parking, c'était la pire du King. J'ai bossé quelques jours à Memphis, dans une station service où je l'ai vendu. Je me suis fait à Miami, la franchine de Long Joe Sally. Et j'avais deux jours plus tard sur le dos tous ces blousons noirs. Bye bye baby, bye bye. Foncer la caisse d'une machine en route pour Las Vegas, j'ai tout perdu. J'ai gagné à Little Rock, un concours de chanteurs de rock. Et depuis, un colonel veut que je chante Heartbreak Hotel. Bye.